Je vais vous lire quelque chose ici. Vous comprenez que la parole prophétique, il faut la suivre très très attentivement. Je vais vous lire dans la prédication les superbes grévations. Prêché le 26 juillet 1964. Le paragraphe 12, je vais jusqu'au paragraphe 15. Frère Branham dit ceci. Maintenant, j'aimerais vous parler directement du message. Est-ce que vous aimez le message? Maintenant, j'aimerais vous parler directement du message. Certains peuvent avoir l'impression que je pense que Jésus va venir ce matin ou ce soir. C'est ce que je fais. Le 26 juillet 1964. Certains que je pense que Jésus va venir ce matin ou ce soir. C'est ce que je fais. Je ne dis pas qu'il va le faire. Et je vous répète qu'il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Il se peut que ce soit l'année prochaine. Il se peut que cela soit dans 10 ans. Je ne sais pas quand il viendra. Le 26 juillet 1964, c'est cet événement, l'apparition de la nuée de gloire. C'était déjà fixé à sa place. Mais là, on parle de l'inconnu, pas d'ici. De la vanatine à bouillir. Ok. Il dit. Et je pourrais pas qu'il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Il se peut que ce soit l'année prochaine. Il se peut que cela soit dans 10 ans. Il se peut. Il ne dit pas que ce sera comme ça. Je ne sais pas quand il viendra. Mais il y a quelque chose que je veux que vous gardiez toujours à l'esprit. Vous devez être prêt à chaque heure et à chaque minute. Ah, ne perds pas de vue. Soyez prêt à chaque heure, à chaque minute. Vous voyez? Car s'il ne vient pas aujourd'hui, il se peut qu'il soit là demain. Gardez donc cela à l'esprit. Il vient. Il vient. Gardez ça à l'esprit. Écoutez. Je ne sais pas à quel moment viendra ma dernière heure sur cette terre. Personne parmi nous ne le sait. Le jour de ta mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? L'heure exacte où tu vas rendre le dernier souffle. Branham ne le savait pas. Branham et personne parmi nous. Ne faut pas impressionner les gens. Personne parmi nous ne le sait. C'est le secret que Dieu tient. Il a fixé le terme de vie pour chacun de nous. Et il gère seul ce secret. Voilà. Alors, Bongo. Et personne parmi nous ne sait quand il viendra. Quand Jésus reviendra. Personne parmi nous ne le sait. N'impressionnez pas les gens. Répétons les bandes. Croyons le message. Vivons la parole. C'est amen. D'après ses propres paroles, il ne le sait pas lui-même. Matthieu 24:36 pour ce qui personne n'est laissé. Même pas les gens judiciaires. Même pas le fils de l'homme. Mais le Père seul. Ah, c'est cela. Le Fils, en tant qu'humain, ne savait pas. Mais en tant que Dieu, il savait. Voilà la différence entre lui et nous. Il a joué parfaitement les deux rôles. C'est lui de Père et celui d'un homme. C'est lui de Fils. C'est lui de Père. Dieu et celui de Fils, un humain. C'est lui de Père qui n'a jamais pleuré. Et c'est lui de Fils qui a pleuré. Devant le tombeau de Lazare. Hein? C'est lui de Père qui n'éprouve aucune douleur. Mais qui résout nos problèmes de douleur. Mais il a joué aussi le rôle de Fils, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Il a joué le rôle du Père. Qui n'a besoin de rien. Mais de qui tout dépend. Mais il a joué aussi le rôle du Fils. Il a eu faim un jour, il a eu besoin de manger. Il est allé jusqu'à maudire le figuier. Parce que le figuier n'avait pas de fruits à lui. Là c'est le Fils. L'humain. Moto. Mais le Père, tata, il n'a besoin de rien. Il est allé. Il est Elohim. Il se suffit en lui-même. Donc il n'a besoin de rien. Tout est pour lui. Et pour lui. Il va dépendre de qui? Il dépend que de lui-même. Et Jésus a joué parfaitement les dérangements. D'après ses propres paroles, il ne laissait pas lui-même. Il dit que seul le Père sait quand il viendra. Même le Fils ne sait pas quand il viendra. Ce sera lorsque Dieu l'enverra de nouveau vers nous. Mais nous attendons sa venue. Il y en a qui ne veulent plus attendre. Ils sont fatigués d'attendre. Ils se moquent de ceux qui attendent. Ils sont libres de croire n'importe quoi comme ils veulent. Mais nous, les frères Branham, nous attendons sa venue. S'il ne vient pas aujourd'hui, il se pourrait qu'il soit là et demain. Il se pourrait qu'il vienne l'année prochaine. Il se pourrait aussi qu'il vienne dans 10 ans. Nous ne savons pas quand il viendra. Tout ce qu'il nous faut, c'est être prêt. Oui, Matthieu 24, 32. Matthieu 24:32. Il a dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le Seigneur a dit que vous ne savez pas. Branham dit que personne parmi nous ne le sait. Alors ne mentez pas contre la vérité. Répétez la vérité fidèlement. Nous ne savons pas quand il viendra. Mais nous attendons sa venue. Et au verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bongo et Tina Bino pour Selinga, pour ce monanamoto à Koya, Natango et Kaliti Binote. Le message aussi nous dit, gardez à l'esprit cela, il vient. Et s'il y a une chose que vous devez pas perdre de vue, c'est d'être prêt à chaque heure, à chaque minute. Selinga, pour Bongo et Tango, nous sommes amis de nous. Voulez-vous? Nous attendons sa venue. Dites à ce mon cœur-là qui ne veulent plus attendre. Et Franck m'a dit, nous attendons sa venue. Et s'il ne vient pas pendant ma génération, il peut venir pendant la suivante. Et s'il ne vient pas pendant celle-ci, il viendra pendant la suivante. Mais pour ma part, je vois qu'il reste très peu de temps. D'après moi, cela pourrait arriver à n'importe quelle minute. Maintenant, cela ne signifie pas que vous verrez le ciel se changer et toutes ces choses. Non. Ce n'est pas de cette venue du Seigneur que je parle. Qui va changer le ciel et tout. Je parle de l'enlèvement. Ici, il y a donc une venue du Seigneur qui va changer le ciel. Parce qu'il viendra de manière à ce que tout œil le voie. Même les Juifs qui l'avaient prêché. Même les Juifs qui l'avaient crucifié. Le verront au même moment que toutes les autres tribus de la terre. La manteront ensemble à cet endroit. À sa seconde venue. Sur la montagne des Oliviers. Avec le nuée de gloire. Êtes-vous là? Mais ce n'est pas de cette venue-là que frère Branham est en train de parler. Il va changer le ciel. Qui amènera des nuées de gloire. Et Jésus sur les nuées. Pas sur une nuée. Mais sur des nuées. Gardez la parole fidèlement. Dieu sait ce qu'il dit. Ne changez pas un pluriel en un singulier. Ni vice versa. Gardez chaque parole telle qu'il l'a donnée. Quand vous changez les genres, c'est qu'alors, quand vous changez le genre et les noms, vous changez le sens de la chose. Quand il parle de ceci, que nous soyons prêts. Cela ne signifie pas que vous verrez le ciel se changer et tout le monde. Ce n'est pas de cette venue du Seigneur que je parle. Je parle de l'enlèvement. Or, dans le cadre de l'enlèvement, nous l'avons lu dans Matthieu 24. Là, il vient comment? Avec les nuées. Dans le cadre de l'enlèvement. Matthieu 24, verset 36 à 40. Le premier passage, c'est lui. Vous remarquez qu'il est fait mention de l'enlèvement là-bas? Oui. Matthieu 24, écoutez-nous là. Avant d'avancer avec Frère Branham. Il dit ceci au verset 40 et 41. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mourront à la malle, l'une sera prise et l'autre laissée. De quoi s'agit-il? Mais c'est ça l'enlèvement. Et maintenant, c'est en accord avec cet enlèvement. Aussitôt après le verset 41, vient le verset 42, qui parle de la venue de votre Seigneur. Pour l'enlèvement en question. On pas avec les nuées de gloire. À sa seconde venue. Mais la venue de votre Seigneur. Pour l'enlèvement en question. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est une venue. Vous allez voyer. Mon colonie, Nicolas Nabino Akoya. Mais ce n'est pas une venue qui va changer le ciel et tout. Et allez, couille, tu, bon, il va attirer les regards, rien du tout. Bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon. Oh, il l'a dit ici, plus bas. Alors, bien, bon, verset 43. En accord avec cette venue-là, pour l'enlèvement. Vous suivez bien? La venue de votre Seigneur pour l'enlèvement. Pas de tout le monde, mais quelques-uns qui seront prêts. En accord avec cette venue-là. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Donc, cette comparaison est faite en accord avec la venue du Seigneur pour l'enlèvement. Non pas en Israël, non pas sur la montagne de Solivier, non pas sur la terre ici, mais il viendra à la manière d'un voleur, et il enlèvera non pas tout le monde et tous les croyants, mais uniquement ceux qui seront prêts, homme ou comme femme. Les deux sexes sont représentés. Au verset 40, il est parlé des hommes. Et au verset 41, il est parlé des femmes. Donc l'enlèvement concernera et les hommes et les femmes, mais qui seront prêts. Et le Seigneur viendra comme un voleur pour les enlever. La venue du Seigneur comme un voleur. C'est une autre venue différente de sa seconde venue avec les nuits. Et c'est de cette venue-là qu'il est également question ici dans Apocalypse au chapitre 16, dans le cadre de la bataille d'Armageddon. Nous trouvons dans Apocalypse 16 qu'il est écrit ici. Voici, je viens comme un voleur. Ici, il ne parle pas de la venue du jour ardent de la colère de Dieu. Il est mentionné au verset 14. Mais ici, il parle de sa venue de lui-même. Parce que les jours du Seigneur, les jours de sa colère ardente, viendra également comme un voleur. Mais ça, c'est une pensée prophétique différente. Le jour du Seigneur qui viendra comme un voleur. Là, c'est le jour qui vient. C'est le jour qui vient. Se produira comme un voleur. Ça aura lieu après l'enlèvement. Mais au verset 15, il est parlé de sa venue à lui-même. Lui-même, le Seigneur venant comme un voleur. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Donc celui qui veille, il est comparable à son maître de la maison, comme à il ne va pas percer sa maison, il n'aura pas les dégâts à comptabiliser. Mais quand le voleur vient, il va la percevoir. Et il va l'embrasser. Vous savez comment on souhaite la bienvenue au roi. On règle le compte avec lui. Et pour le Seigneur ne viendra pas en tant que voleur. Non. Ne mélangez pas. Il ne viendra pas en tant qu'un voleur. Mais il viendra comme un voleur. Mais il ne viendra pas en tant qu'un voleur. Notre Seigneur n'est pas voleur. Il ne sera jamais un voleur. Mais il viendra à la manière dont un voleur vient. Ok? Mais sans être un voleur. Amen. Il dit, je viens comme je suis un voleur qui viendra. Non. Je viendrai comme un voleur. Comparaison. Heureux celui qui veille. Et qui garde ses vêtements. Afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Allons dans Apocalypse 3. L'avertissement du Seigneur à l'église. C'est le message adressé à l'église. Apocalypse 3. Il dit ceci. Verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Il s'agit de l'église, des chrétiens, des membres de l'église. Donc l'affaire de sa venue de lui-même comme un voleur concerne l'église des nations. Là-bas, en Israël, il le verra. Il n'aura rien à cacher. L'univers va voir la naissance du Fils. Tout le nuée du ciel. Il le voit, mais ici. Et le message adressé à l'église, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Là, c'est pour celui qui ne veille pas. Verset 3. Apocalypse 3, verset 3. Sokonde okokengela te na koya lokola moyibi pe okoyeba te soko na kobimela yo na tango nini. Tozali kosengela ya moto na esengo atankolo akoya na lolenge ya moyibi akomona il va l'accueillir, akoyamba ye, il va l'embrasser, akopepa ye penza, et ils partiront ensemble, bakokenda elongo. Et pour là zali wana. C'est ce que le Seigneur dit. Yango kola lobi. Mais si toi tu ne veilles pas, tozali kosengela te, cette venue du voleur fera des dégâts chez toi et tu ne sauras pas quand oui, la surprise a eu lieu. Tu vas commencer à demander seulement, mais quand est-il l'enlèvement, on va te répondre, oh, il est déjà parti. On est là, oh. Le Seigneur est déjà venu. On est là, on est là. Oui, il est déjà passé. La venue du Seigneur comme un voleur. On a levé l'église. Dans Jean 14, verset 3, c'est la même promesse. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai appris pour la place, je reviendrai et je vous prendrai. Je reviendrai. Voyez le verbe utilisé. Je reviendrai. Parce que la parole utilise les mots revenir. Le verbe revenir en tant que promesse. Revenir veut dire venir pour la deuxième fois. Venir pour une nouvelle fois. Donc, cette venue-là, dans laquelle l'enlèvement aura lieu, selon Jean 14, verset 3, c'est également une seconde venue. Êtes-vous là? Mais non pas sur la montagne des Oliviers. Mais écrit le titre était la seconde venue du Seigneur Jésus avec les nuées. Avec les nuées. Ici, quand il vient pour enlever, ce n'est pas avec les nuées. L'Écriture ne le dit pas comme ça. Mais c'est nous les saints qui serons enlevés sur les nuées. Non, parce que lui viendra avec les nuées pour enlever. Mais 1 Pierre 4 dit, ce sont nous qui serons enlevés avec les morts en Christ ressuscités sur des nuées. L'Église montera sur des nuées. Mais lui, le Seigneur, ne vient pas sur les nuées. Il vient comme un voleur pour la Moïse pour la connaître l'Église. Amen. Chaque mot a sa place. Pas de confusion. Sauvons Babylone. Et chaque promesse telle que Dieu la donne. Et la ne faut pas commencer à dire, oh, et ça n'est pas un dingue. Ça, c'est le langage du groupe de prière. Quand on ne veut pas la précision, on va pas trouver la précision. Essentiel, et ça n'est pas un dingue. Non, c'est pas la même chose. Quand la parole ne dit pas ça, elle ne dit pas comme cela. Soyez fidèles. Lors de l'enlèvement, les saints seront enlevés sur des lignes. Êtes-vous là? Et le Seigneur dit dans Jean 14, quand la place sera prête, je reviendrai. Par rapport au fait qu'il était déjà venu, et il promet de venir une nouvelle fois. Cette seconde venue, dans le cadre de la promesse de Jean 14, verset 3, ne concerne pas Israël. N'aura pas lieu sur la terre. Elle concerne l'Église des nations. L'Église épouse de Jésus. Elle se limitera dans les airs. L'Église qui montera sur des niveaux. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà. On peut lire. C'est ainsi que là, dans 1 Chronicles 4, on a même pas donné à ça les noms de venus, mais on parlait seulement du Seigneur qui descendra du ciel. Voilà. Il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4. Verset 15. À 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Écoutez, il n'est pas écrit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu viendra sur la terre. Pas ça. Non, c'est juste descendra du ciel. Il change un peu de position, mais toujours dans le ciel. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Les nuées, c'est pour les enlever. Les racheter qui seront enlevés. Vous direz, mais il n'est pas venu comment on va dire. La nuée, c'est quand il est allé au prophète Moïse, mais à sa seconde venue, sur la terre, les nuées du ciel. Les nuées de gloire. Pas les nuages de pluie voudrage. Ce sera les nuées de gloire. L'enlèvement. Vous dites, il viendra comme un voleur. Mais répétez ce que la parole dit. Il viendra comme un voleur. Quand le voleur vient chez vous, il vient comment? Le nuage? Il a un habillement spécial? Impressionnant. Il est discret. Quand le voleur vient, il est discret. Il ne marche pas sur des nuages pour que vous puissiez sentir. Il y a quelqu'un qui parle. Discret. Et Jésus, pour enlever l'église, il viendra comme un voleur. Alors ne vous mettez pas à vous disputer. Quand il viendra pour enlever l'église, il viendra sur une nuée blanche. Un qui se lève là-bas, non, il viendra sur les chevaux blancs. Tous les deux à côté. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Ce n'est pas compliqué de garder ça comme ça. Vous n'allez pas citer que vous trouvez ça difficile, hein? Regardez seulement ça que non, au moment de l'enlèvement, il viendra comme un voleur, nous pouvons dire amen. Ne confondez pas. Pour l'enlèvement, il vient comme un voleur. Oh, la parole elle est simple, mais nous voulons la compliquer, nous. Hein? Créons des complications et des questions difficiles. Faites pas ça. Écoutez maintenant. Il a ajouté ceci. Ensuite, verset 17, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur de nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. esika moko na bango pe tombo tokozala libela esika moko na nkolo. Voilà ce que c'est. Voilà, oui, il n'est pas question de tout celui qui le verra, parce qu'il vient comme un voleur. Alors je reviens à la citation ici. Mais nous attendons sa venue. Et s'il ne vient pas pendant ma génération, il le fait venir pendant la suivante. S'il ne vient pas pendant celle-ci, il viendra pendant la suivante. Mais pour ma part, je vois qu'il reste très peu. D'après moi, il a pourri arriver à n'importe quelle minute. Maintenant, cela ne signifie pas que vous verrez le ciel se changer et toutes ces choses. Nous évitons que les gens ne sont pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas. L'essentiel est qu'il réussisse à prendre ce qu'il est venu chercher. Voilà ce que c'est. Ne cherchez pas des choses brillantes au moment de la réforme. Ça va se passer dans une grande simplicité. Il dit, okay. Ce n'est pas de cette venue du Seigneur là que je parle. Si elle est changée de nuit et de gloire, une grande puissance, une grande gloire. Oh. Je parle de l'enlèvement. Suivez. Olanda. Voyez-vous? Il accomplit trois venues. Il est venu sous trois noms de fils. Il est venu dans une trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez-vous tout ça? C'est le même Christ. Le même Dieu tout le temps. Maintenant, nous savons qu'il est venu apporter trois œuvres de la grâce. La justification, la sanctification et le baptême du Seigneur. Tout en Dieu s'accomplit par trois. Suivez maintenant. Et donc, premièrement, il est venu pour racheter son épouse. Les trois venus dont il parle ici, ce sont les trois venus du Seigneur en rapport avec son Église. Épouse en accord avec le peuple d'Israël. Notez ça comme cela. Et de la même façon, quand on parle des secondes venues, le contenu du Père, selon qu'il s'agit d'Israël, ou qu'il s'agit de l'Église nationale. On peut utiliser la même expression seconde venue. Mais pour l'Église, ça signifie l'enlèvement. Et en réalité, ce n'est pas trop lui qui vient. C'est l'Église qui est enlèvée. Et pour Israël, c'est vraiment une venue complète. Il vient sur la terre. Le contenu n'est pas le même. Alors ici les trois venues dont il parle, les trois venues de Jésus-Christ en rapport avec l'Église de la Sienne. Voilà ce que c'est. Et donc premièrement, il est venu pour acheter son épouse. Deuxièmement, il vient pour un enlèvement. En anglais, il vient en tant qu'enlèvement. He comes as the rapture. C'est ce que le prophète a dit en original anglais. First, la première fois il est venu pour racheter l'église. Second, he comes as rapture. Il vient en tant qu'enlèvement. Pour enlever l'église. C'est cela. Donc, la venue elle-même, oui, il vient comme un voleur, donc sa venue passe inaperçue. Il y a un trois brillants sur les champs. Mais l'élément majeur dominant, moi de cette venue simple et inaperçue, c'est l'enlèvement de l'église. De sorte que ce n'est pas trop la venue, mais c'est l'enlèvement qui compte. Est-ce que vous essayez de voir la vérité? Oui, deuxièmement, il vient pour un enlèvement. Bon, les Français disent pour un enlèvement, ils pourront enlever le sang. Deuxièmement, il vient en tant qu'un enlèvement. Il vient quand même, mais en tant qu'un enlèvement. Lui-même comme un voleur. Mais l'Église glorifiée. Elle montera sur des nuées. Non pas pour impressionner les païens, mais pour marquer les royaumes célestes. Les anges du ciel. Quand le Seigneur promet, il ne badine pas. Il dit que celui qui aura honte de moi, la bonne nouvelle, moi aussi j'aurai honte de lui. Devant Dieu et les saints anges. Mais celui qui me confessera, moi aussi je suis fier, le confessera devant le Père et les saints anges. Les anges du ciel vivront cette bénédiction. L'Église épouse sera à l'honneur. Les rachetés du Seigneur venant de la terre. Les vainqueurs du péché du Seigneur. Les triomphants du Seigneur. Les triomphants du monde. Les triomphants du ciel. Tous les anges du ciel s'inclineront. L'Église épouse sera à l'honneur. Que vous serez sur des nuées. Les bien vous allez connaître ma pata. Voulez-vous rater ça? Voulez-vous oh, j'ai faim. Je suis trop fort, vraiment, Dieu va m'attendre. Non, non. Il y a des choses que nous pouvons nous interdire, mon ami. Quand les saints de Dieu entreront, Seigneur, je veux être de ces noms. Quand les saints entreront, l'Église sera à l'honneur là où. Mais ce sera un départ soudain et secret. Oui, Jésus vient inaperçu. Il ne sera identifié que par ceux qui seront prêts. Qui se connecteront à ça. Et là, de l'autre côté, dans l'autre dimension, nous serons les honneurs. Revenant m'explique que ce sera un défilé à la manière du défilé militaire à l'honneur de la reine, l'épouse du roi, le roi des cieux. Il va présenter à tous les yeux son épouse à lui. Les anges chanteront les fanfares et les trompettes. Je vous dis événement au événement. Tous les conducteurs auront les vainqueurs de leur troupeau. Vous identifiez un ministère. On gagne mon coca quand il y a eu message. Non. Bon, vous devez être placé quelque part. Le corps de Christ est très bien coordonné. On n'y entre pas par la fenêtre comme des petits bourreurs. Vous entrez par la porte. Et Dieu s'habille. Événement ou événement. À ne pas rater. Manquez tout de ce monde, mais ne manquez pas ça. Les anges de Dieu vont exécuter. Hein? Ils vont carillonner. Ils vont célébrer l'honneur de l'épouse du roi. La cadence. Wana lulengi, quand le Seigneur a donné la vision au frère Branham, le Branham était assis lors de ses défilés de l'enlèvement. Le Branham était assis à la tribune d'honneur. Hein? À la tribune. À la tribune d'honneur du côté où était Jésus. Bon. Yosiko Yogazua. Contente-toi de ta place à toi. Amen. Et puis là, vous venez ici. Dieu prend un mango comme une âne. Mais Zambé a la vision, il y a pas de la tribune. Amen. Azota l'épouse n'est que zo défini. Contente-toi de ta part. C'est bien, hein? L'amour. Voyez-vous? Il dit, il vient deuxièmement pour un enlèvement. Pour enlever son épouse. Troisièmement, il vient avec son épouse. Le roi et la reine. Ils sont les trois venus de Jésus-Christ en rapport avec l'église de la fille. Et après ce moment-là, beaucoup de gens attendent. Là où il viendra avec l'épouse, comme roi et reine. Beaucoup de gens attendent depuis cette venue. Mais cette fois-ci, quand il viendra, presque personne ne le saura. Sauf ceux qui sont prêts. Quand il viendra, il y aura des gens qui seront absents. On ne saura pas ce qui leur est arrivé. Ils seront simplement enlevés à même instant. Et ils auront simplement disparu. Vous voyez l'enlèvement? Ce n'est pas on est enlevé, la disparition viendra après. Non. Enlevés à même instant, ils seront disparus. Ils seront chargés à un instant. À un clin d'œil. Alors soyez simplement prêts pour cela. Ce serait affreux un matin. Qu'un être cher ne soit plus là et que personne ne puisse les trouver. Enlèvement est allé du bongo. Dengue le wambiyawo. En un instant, kunande kongala. Kote amokilawo, inaperçu. Neti mo yiba yibi, vous allez voir les dégâts après. Oh, portail ouvert. Oh, mais, ah, mais mo yibi, quelqu'un a police. Il est déjà parti. Il a pris tout ce qu'il voulait prendre, il est parti. Ah, Zino, c'est fini la chagua. L'église sera partie, changez en un instant. Et c'est déjà. Mais c'est de l'autre côté que ça va briller. Nanga mouana et kongala. Ça va briller de l'autre côté. Les anges de Dieu seront tous rassemblés pour l'honneur de la reine. On a le comble du grand roi éternel. Lors des solennités. Ce serait affreux un matin. Un être cher ne soit plus là. Et que personne ne puisse les trouver. Ne serait-ce pas dommage de savoir que c'est déjà passé et que vous l'avez manqué. Alors restez constamment dans la présence de Dieu. Imaginez que ça se passe comme ça. Bon, on commence à appeler votre nom là-bas. Bon, je ne vais pas imaginer. Pourquoi seulement mon nom? Il y a mon souci. Quand on a pour le nom. Mettez un peu votre nom là. Maintenant, on appelle. Maman. Matangi Kumoto Songolo. Aucune réponse. Mais s'il ne devine rien. Et moi, un pauvre petit pasteur, je fais. Oui. Mon bateli. Bon, les gens étant camélés à un moment donné. Sortez. Le Kumoto Songolo. Oh. Azate. Sortez. Silence des cimetières. Wana Kimia Malita. Sortez. Les gombales sont gros. Je vais dire à celui qui sera là. Tu n'as pas vu ce frère. En tout cas, depuis que nous sommes ici, pas encore. Commencez à regarder les temps. Mais tous ces temps, même si son enlèvement traînait un peu de quelques minutes, jusqu'à maintenant, vraiment. Vous n'avez pas vu notre frère là. On a dit de commencer, on a pris. En tout cas, depuis nous sommes là, franchement, à l'état de la vie, il n'y a rien qui lui ressemble. Il est où alors? Il est resté. Bon, ça doit être ça. Il est dans la bongo. Oh Dieu, nous avons passé une veille de prière avec lui. L'autre jour d'ailleurs, je lui ai lavé les pieds, lui, là, à laver aussi mes pieds. Nous voyons maintenant son sort. C'est fini pour lui. C'est fini pour lui. N'attendez pas qu'il en soit ici. Cherchez le Saint-Esprit immédiatement. Sans lequel, ce que nous disons là va devenir réalité. Êtes-vous là? Vous allez voir. Il dit ceci. Dans le sermon, le berger de la bergère. prêché le 3 avril 1966. Par exemple, et quand nous quitterons cette vie, et entrerons dans la vie de là-haut, je pourrais pas vous serrer la main, car vous n'aurez pas de main. Voyez, toutes choses dans la Bible vont par trois. Nous le savons. Et il y a trois venues du Seigneur. Suivez maintenant. La première venue est passée. Là que nous avons dit, ce que Frère Benham a dit dans le lever du soleil, il n'y a pas de Christ pour qu'il vienne. Il est déjà venu. Là, il parle de sa première venue. Qui est déjà passé. Mais la seconde venue est attendue. Nous l'attendons. Pour l'épouse, ça signifie quoi? La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Dites amen. La deuxième venue de Jésus-Christ n'est pas à disloquer avec l'enlèvement. La deuxième venue pour l'Église et des nations n'est pas à séparer d'avec l'enlèvement, comme on l'a fait mercredi. Distinguer l'enlèvement d'avec la seconde venue. Là, c'est la seconde venue pour Israël. On distingue avec l'enlèvement qui concerne l'Église. Mais la seconde venue du Seigneur, c'est synonyme de l'enlèvement. Il n'y a pas à distinguer. C'est la même chose. Lui vient inaperçu. Il prend les choses secrètement. Il s'abrille dans l'au-delà. Oh, chers amis. La première venue est passée. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Qui comprend? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous allez qu'on ne se mette pas à aller prendre la citation qu'on a lu mercredi. Distinguant la seconde venue avec l'enlèvement. Mélanger ça avec la seconde venue ici qui est synonyme de l'enlèvement. Lorsqu'il est parlé de la deuxième venue en tant qu'enlèvement, ça ne concerne pas Israël. Ni la montagne des Oliviers. Ni Jérusalem. Parce que les Israélites ne seront pas levés. Ça ne concerne pas. Mais c'est l'Église des nations. Vous et moi, frère, nous seront enlevés. Nous disons amen. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Alors ce qui raconte, que la seconde venue a déjà eu lieu. Nous attendons maintenant l'enlèvement aux gens des nations. Dire ça, c'est mentir publiquement. Et c'est ridicule. Vous allez tromper les enfants avec des citations mal comprises. Pour la seconde venue, a déjà eu lieu en 63. La seconde venue pour l'Église. Oui, pour l'Église dans ma c'est synonyme de l'enlèvement. Il vient comme un voleur. Et il est racheté, sont enlevés sur les nuées de bois. C'est eux qui sont à l'honneur. Lui s'efface. Pour honorer son époux. Béni soit l'agneau de Dieu. Et la troisième venue, c'est quand il vient pour dominer et régner pendant 1000 ans. Et pour marcher par trois comme par fils et célestes. Voyez le seul Dieu en trois. Et les œuvres de la grâce en trois. Ou dans les écritures, marche par trois. Voyez bien aimé, je prends le quatrième saut. Rédication quatrième saut, j'ai terminé par là. Prêché le 21 mars 1963. Par la grâce 210. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. Il vient trois fois. En accord avec qui? En accord avec? Nanini. C'est l'Église. Trois fois. Voyez, regardez comment vient cet autre individu. L'Antichrist. À sa première venue, il est venu en tant que mortel. Il a versé son sang et mourir. Est-ce vrai? Ça, c'est sa première venue. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Et cela pénètre bien. La seconde venue, c'est quoi? Mes soeurs, la seconde venue, c'est quoi? Boloba, binonde vous changez ma foi des fois facilement. Au pays, mon coup, y'a qui kuna, ou l'ambellier, souginini, avant de quoi demeurer, y'a pêché ma femme, bolia gogo, ou bosse en position en foi. Y'a un homme qui change de discours. Oh, avant de quoi bien, nous avons puissance, c'est quoi dans les autres? Y'a quoi ça, l'onction qu'on est capable de faire? C'est comme ça que le serpent avait une onction plus forte que celle de d'Adam. Et Ève est tombée. Voilà. Nous, quand la Kine n'a pas quoi couler, quand est Adam, il va croire que le lingue, voilà. Il commence à crier en désordre là-bas. Il conganga. Pour croire le mensonge. On a qu'on dit maloukouta. Si qu'a pas onction loukouta, voilà. Et pas quoi loukouta, tout beau, yango. L'esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. On lit mon ensemble, écoutant, vous savez, c'est un peu de puissance pour croire le mensonge. Au bélingue, on a qu'on dit maloukouta. On a qu'on dit maloukouta. On a qu'on la seconde venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux. Immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen, oui. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. Trois seulement. C'est vous là? Vous allez voir là? Trois seulement. Voilà, chers amis, ce qui concerne la méditation de ce soir, la venue du Seigneur comme un voleur, vous voyez, c'est synonyme de l'enlèvement de l'église. Nous avons essayé de flasher pour vous aider à voir clair. Mais ne séparez pas la seconde venue de l'enlèvement avec l'enlèvement. Mais quand nous voulons distinguer la seconde venue avec l'enlèvement, alors là, le terme seconde venue est utilisé pour Israël. Israël qui attend jusqu'à présent, c'est lui qui doit les sauver. C'est lui qui doit sauver Israël. Et c'est pourtant déjà venu. Israël l'avait rejeté. Mais l'église des nations l'a reçu. Comment l'église des nations a-t-elle reçu? Quand il était venu la première fois, il n'était pas venu pour l'église des nations. Mais c'est par greffage. L'église des nations a été connectée et comptabilisée dans la première venue. C'est par greffage. C'est parce qu'Israël l'a rejeté et lui s'est tourné vers nous. Si Israël l'avait reçu, il n'est pas venu vers nous. L'histoire des premières venues ne concernerait même pas. N'a-t-il pas dit lui-même? Je n'ai été envoyé vers les blessés perdus de la maison d'Israël à Wanganakibisokotamabota. Quand l'un de nous est venu avec sa fille là, pour m'attirer par les démons, alors j'ai dit, mais il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chats. Tout est clair. Mais c'est quand Israël l'a rejeté. Alors qu'il a tourné le regard vers les nations. Pour accomplir une autre prophétie, c'est Isaïe qui disait, je me suis laissé trouver par ceux qui ne m'attendaient pas. Donc, dans sa première venue, nous les gens des nations, nous ne l'attendions même pas. Parce que ça ne nous concernait pas. Mais à sa seconde venue, nous l'attendons. Parce qu'il nous prépare d'ailleurs. Et il a envoyé un message de préparation. Et pendant que ça se passe là, ça ne concerne pas Israël. Mais n'est-ce pas que vous Israël nous gâte. Et le côté. Israël va côté. Va côté. Le côté. Dans la rien. La nation d'Israël n'aura rien. Oui, ça tourne à biso. Donc, avoir aussi de près c'est comme si c'est quand même la première venue du Seigneur pour nous les gens. Oui, mais quoi est-ce qu'il a pété? Voilà ce que c'est. Paul a dit, garde l'humilité. Si l'olivier naturel a été coupé, pour cause d'incrédulité, n'enfle pas d'orgueil. Toi, contrairement à ta nature, tu as été greffé comme un olivier sauvage. Alors toi, tu ne portes pas la souche. Tu es l'olivier naturel. Mais c'est la vie qui te porte. Notre Dieu, au fait, c'est l'Israël. Et Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout pour la prière. Nous allons continuer prochainement. Gloire, gloire, alléluia à l'agneau. Gloire, gloire, alléluia. À l'agneau, gloire, gloire, gloire, alléluia. Amen, que tout soit pour Jésus. À Jésus, la gloire, gloire, gloire, alléluia. À l'agneau, gloire, gloire, alléluia. Entends l'agneau, gloire, gloire, alléluia, que tout soit pour Jésus. Prions chacun maintenant. Et nous penserons dans nos prières aux frères de notre frère Gabriel, pour Paul. Il a connu un accident en moto depuis quelques jours et qui est dans un état critique. Donc, frère, adressez la requête pour que les bien-aimés pensent quand même à son grand frère ici. Que Dieu fasse grâce. Prions chacun. Bien pour l'agneau, prend les pauses pour toujours à ses côtés. Et tous les autres du ciel vont s'assembler. Ce sera une vie glorieuse. Tous les saints vêtus de blanc, avec Jésus, ils font fête pour toujours. Bien dîner, le maître s'appelle bien dîner. Alléluia, tu peux fêter. À table tout le temps, les cœurs et la faute, échanger et l'eau en vain, il appelle à la famille, bien dîner, bien dîner, le maître appelle, bien dîner, alléluia, tu peux fêter. À table tout le temps, recueillir la foule, échanger de l'eau en vin, et la paix et la famille, bien dîner. Bientôt l'agneau prend l'épouse. Bientôt l'agneau prend l'épouse, pour toujours à ses côtés. Et tous les autres du ciel vont s'assembler. Oh, ce sera une vie glorieuse. Tous les saints vêtus des blancs, avec Jésus, ils vont fêter pour toujours. Bien dîner, le maître appelle, bien dîner. Chantons alléluia, je peux fêter sa table tout le temps, lui qui a nourri la faute, échanger de l'eau en vin, il appelle la famille, bien dîner. Bientôt c'est le départ. Si pas aujourd'hui, c'est demain. Si pas demain, peut-être la semaine prochaine. Oh, Mais mon problème, c'est d'être prêt à chaque heure, à chaque minute. Il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Par le voleur, effacer, simplifier, mais il prendra l'église. L'enlèvement sera effectif. Ne rate pas ça. Dieu bien-aimé, nous sommes à toi au nom de Jésus, priant que tu descends et que tu honores notre foi. Et nous savons que quels que soient les honneurs qu'on peut avoir ici, ça ne pourra jamais égaler la grande célébration, le défilé de l'enlèvement de l'église, la victoire historique, jamais vécu dans le ciel. Quand les rachetés de la terre, par le sang de Jésus, qui était descendu de sa gloire, notre vainqueur entrerons en bas. Quelle retrouvaille, quel témoignage. Oh Père, nous voulons y être. S'il y a quelque chose qui empêche quelqu'un, un frère ou une sœur, il a nous dit qu'il est libre. Il réclame son âme au nom de Jésus. Pour le salut qui est en Christ. Pour la délivrance totale. Pour la domination du Seigneur. Je le réclame pour toi. Je le réclame pour l'enlèvement du Seigneur. Je ne veux pas me retrouver seul. Je veux une compagnie. Avec les miens, Seigneur. Je veux une vraie compagnie. Avec mes familiers. Les compagnons de lutte avec lesquels nous endurons les mêmes épreuves, nous finissons les mêmes humiliations, les intentions, les critiques, les souffrances, les épreuves. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. D'être compté là-bas, dans ce moment bientôt, dans la gloire éternelle, honoré dans ton royaume, devant le Père et les saints anges, honoré là-bas. Si nous sommes humiliés ici, toi-même Jésus, tu es notre divin modèle. Le monde t'a insulté, ils t'ont rejeté, ils t'ont donné le nom d'enfant bâtard. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les témoignages des hommes comptent, mais celui de Dieu vaut mieux. Nous voulons chercher la louange qui vient de toi, la louange du vrai Jésus, qui vient de Dieu et non des hommes. Honore notre foi, Seigneur. Honore notre combat pour toi. Honore notre pensée pour la vérité. Épargne-nous de tout malin. De tout mal. Exauce la prière de chacun. Souviens-toi de la prière de notre frère Gabriel. De laquelle qui a été partagée. Au sujet de son frère Popol. Qui est dans un état critique. Nous prions cet imposé. Que ta grâce lui soit donnée. Tu peux rétablir la situation. Priant que ta volonté soit faite. Donne honneur à ton nom, Seigneur. C'est en ton nom que nous nous fâchons. C'est de toi que nous comptons sur le temps. Maintenant, bénis cette église. Conduis-nous pas à pas. De lumière en lumière. Chasse les ténèbres. Toutes les confusions. Pour que la foi biblique, la foi véritable, soit rétablie dans nos cœurs. Et que nous soyons alignés dans la coordination du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement.